émission pour les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Mélomane, édition du 30 septembre 2015. Tel que promis, un spécial folk pour une partie de l'émission ce soir, en cette froidure d'automne. Plein de noms que vous allez connaître, d'autres que vous allez peut-être découvrir, ou ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas entendu, parce qu'il y a bien des chansons qu'on va entendre qui ont jadis joué à la radio, mais qu'on n'entend presque plus jamais. Et la raison est simple, je pense que notre rythme de vie est tout simplement devenu trop rapide pour prendre le temps d'écouter une musique organique et douce comme le folk. Bon, écoutez, on va pas y aller non plus dans le vieux folk traditionnel, parce que là, vous trouveriez ça intense, aussi ouvert d'esprit que vous puissiez être, chers auditeurs et auditrices. Nous, on va se tenir plus dans ce qui jouait au AM dans les années 70, un folk à tangente plus soft rock et toujours très mélodique, moins proche de la musique traditionnelle américaine originale qu'on appelait folk. Mais vous allez voir, ça va faire drôle par moment d'entendre ce genre de musique à la radio, d'après moi. Donc écoutez, on fait une expérience ensemble, prenons le temps de vivre comme on s'est déjà permis de le faire dans les années 70 avec une musique qui respire très smooth et paisible. Il faut bien le dire, un peu quétaine peut-être pour certains d'entre vous, ou disons pour être poli, fleur bleue. Mais le bon folk, c'est toujours une musique vraie et c'est ça qui nous donne envie d'y revenir. Et bien entendu, comme à toutes les émissions, on va voir toute l'influence que le style a eue sur toutes sortes d'artistes. Donc on commence tout de suite avec Seals and Crofts au CFNJ 99.1. Jasmine in my mind. could you help me place this call? See, the number on the matchbook is old and faded. She's living in L.A. with my best old ex-friend Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. It feels operator, but could you help me place this call? 'Cause I can't read the number that you just gave me. There's something in my eyes, you know it happens every time. Just wasn't real, but that's not the way it feels. No, no, no, no, that's not the way it feels. Operator, oh, let's forget about this call. They laugh with all their might. easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, le printemps dure pas longtemps. Avraïda di, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, adu de l'homme. Avraïda di, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, adu de l'homme. Assis sur le banc de mon tour rouge, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. Avradidadi, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, adu de l'homme. Avradidadi, l'été c'est tellement bon quand t'as la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans t'inquiéter. Pour le fils d'un patron, c'est les vacances. Pour la fille du restaurant, c'est les sueurs pis les clients. Avradidadi, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, adu de l'homme. Avradidadi, l'hiver est blanc comme un nuage, mais ça évidemment dans le chalet près du foyer. Dans le fond c'est salissant pour risquer le chauffage. Y'a pas pire moment de l'année quand t'es pris pour tant d'été. Avradidadi, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, ah de l'homme. Hop de la de l'homme, de la de l'homme, de la de l'homme, de la de l'homme. Hop de la de l'homme, de la. Dans mon trou creusé, ma peine. J'ai vu le surintendant, je peux rien dire en attendant. Le jour où ça sera nous qui ferons la fête. Imaginez le printemps quand l'hiver sera vraiment blanc. D'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, le printemps dure pas longtemps. Heureux de printemps qui me chauffe la couenne. Triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, le printemps dure pas longtemps. Toujours à Mélomanes au 99.1 CFNJ, en plein spécial folk cette semaine. On vient d'entendre notre Paul Piché national en 1977, Heureux d'un printemps. Première chanson de son premier album, À qui appartient le beau temps? Une chanson inspirée de la turlute d'Antonio Bazinet. et un album sur lequel à peu près le tout Montréal, tous les musiciens du Québec de l'époque auxquels vous pouvez penser ont joué, ou à peu près. On parle de Serge Fiori, Neil Cotem, compositeur des intermèdes sur l'heptade d'harmonium, si vous vous souvenez. Tout le groupe de Bonhommage, à peu près en entier. En fait, je pense qu'il y avait juste Marie-Michel Desrosiers qui n'a pas participé. Bref, Paul Piché qui frappait très fort pour un premier album. Sinon, juste avant, une chanson presque dans le même genre, Donna Donna par John Baez sur son premier album aussi, ça remonte à 1960. Et Donna Donna, c'est une chanson yiddish qui vient à l'origine d'une pièce de théâtre de 1941 composée par Sholom Sekunda, un juif ukrainien. Et John Baez, c'est pas mal le plus loin qu'on va aller en termes d'années. Et imaginez, elle est juste au début de ce qu'on va appeler le folk revival, une espèce de regain de popularité du folk chez les jeunes du temps, au Greenwich Village de New York, entre autres, où John Baez va rencontrer un jeune Bob Dylan, d'ailleurs, avec qui elle va avoir une relation de courte durée, mais largement médiatisée. Et juste avant, l'excellent Jim Croce, qu'on a entendu, dont on a parlé dans une autre émission, avec Operator, That's Not the Way It Feels, de 72. C'était précédé de Summer Breeze, la même année par Seals and Crofts, qui ont tout d'abord fait partie, un fait surprenant, du groupe The Champs, ceux qui ont fait la chanson instrumentale Tequila, qu'on connaît tous dans les années, je pense, 58, si je ne me trompe pas. Et maintenant, on y va avec deux chansons américaines qui tirent un peu sur le country, et deux autres très beaux exemples de folk québécois des années 70. Mais tout d'abord, Kenny Loggins, que vous connaissez tous pour la chanson-titre du film Footloose, ou même pour la musique du film Top Gun, entre autres aussi. Mais ça, c'est dans les années 80. Dans les années 70, Loggins faisait partie d'un duo plus folk et soft rock avec Jim Messina, qui lui avait fait partie de Buffalo Springfield avec Neil Young et Stephen Stills dans les années 60. Donc, ça nous donne Loggins and Messina en 71, avec une chanson offerte par Loggins à son frère, pour qui il se réjouissait tout simplement de son enfant à naître, Danny's Song, au 99.1 CFNG. People smile and tell me I'm the lucky one, and we've just begun. Think I'm gonna have a son. He will be like she and me, as free as a dove, conceived in love. Sun is gonna shine above. Even though we ain't got money, I'm so in love with money, and everything will bring a chain of love. And in the morning, to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Seems as though a month ago I was beta guy, never got high. Oh, was a sorry guy. But now a smile, a face, a girl that shares my name, yeah. Now I'm through with the game. Boy, we'll never be the same. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey, and everything will bring a chain of love. And in the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Pisces, Virgo rising is a very good sign. Strong and kind, and the little boy is mine. Now I see a family where there once was none. Now it just begun. Yeah, we're gonna fly to the sun. Even though we ain't got money, I'm so in love with honey, everything will bring a chain of love. And in the morning when I rise, Love the girl who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love her and she'll bring you luck. And if you find she helps your man, buddy, take her home. And yeah, don't you live alone. Try to earn what lovers own. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. And everything will bring a chain of love. And in the morning when I rise, you bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Dusty,

De retour à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ, Gilles Valiquette en 1972 avec « Quelle belle journée » tiré de son album « Chanson pour un café ». C'était précédé de John Denver avec « Take me home country roads » un an plus tôt. Une chanson qui a été reprise d'ailleurs par Marie Laforêt et Claude François, mais sous deux titres différents. Et sinon, les Séguins, qu'on n'entend plus, Richard et sa sœur Marie-Claire, qui formaient un magnifique duo en 1974 avec « Au milieu du soleil ». On continue tout de go avec quelques gros noms qui n'ont pas besoin de présentation. Vous êtes au spécial folk de Méloman au 99.1 CFNJ. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Tonight will be all I have left to reach. $25 and pieces of silver. I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours away. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lines to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Who did the goat dance very well? He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California. Coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you. Party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read, more about the war and the bloody changes. Take me as I am. true spirit he rides, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? They are one person, they are two alone, they are three together, they are four. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. They are for each other. On vient d'entendre le trio, le super trio Crosby, Stills and Nash au 99.1 CFNJ. Vous êtes à Mélomane spécial folk, tiré de leur premier album en 1969, un groupe qui va marquer la génération Woodstock et qui va avoir son nez fourré un peu partout. Les trois sont déjà connus. David Crosby sort tout juste des Byrds. Stephen Stills de Buffalo Springfield. Groupe dans lequel on pouvait aussi retrouver Jim Messina de Loggins and Messina qu'on a entendu tantôt. Et nul autre que Neil Young qu'on va entendre juste après aussi. Neil Young qui lui aussi va s'ajouter à Crosby, Stills and Nash pour former Crosby, Stills, Nash and Young pour leur second album Déjà Vous en 70. Quand on dit qu'il était partout, eh bien Graham Nash sortait à ce moment-là avec la Canadienne Joni Mitchell qu'on a entendu juste avant avec la magnifique California en 71. Une chanson qui représente assez bien tout cet esprit du folk californien de l'époque. Et juste avant, vous les avez peut-être reconnus, Simon & Garfunkel, sur leur tout premier album, très folk, plus folk que la moyenne, de 1964, Wednesday Morning 3 AM, avec la chanson du même titre. Toujours de très belles harmonies vocales, où on ne sait pas où commence une voix et où finit l'autre. Et c'était précédé, bien sûr, de Cat Stevens avec Wild World en 1970, tiré de son album le plus populaire de loin, Tea for the Tellerman. On continue avec un autre Canadien qui vient du nord de l'Ontario, on l'a nommé tantôt Neil Young, avec une pièce tirée de son excellent album After the Gold Rush de 1970, Tell Me Why, sur les ondes de CFNJ 99.1. Tell me why. J'entends des petits oiseaux dans un motel de faire venir un déjeuner si tu veux. On peut rester couché. Dans un coin de la chambre, une TV en couleur, cette valeur, j'ai pas le goût de la regarder. Moi qui rêvais d'essayer ça. On est déjà le matin, me semble qu'on vient d'arriver. Le même prénom que ma mère, ça fait drôle d'y penser. Tes cheveux sentent comme l'été, dans tes yeux je vois toute la terre. J'oublie ma job, j'oublie de m'en faire. J'entends des petits oiseaux dans un motel de l'île Perrault. Dans un motel de l'île Perrault. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Avec vous, partout dans la Nantière. Depuis 30 ans. CFNJ 99.1. Pour les prochaines heures, c'est un ciel nuageux avec un minimum de 0 degré, gel au sol. Jeudi ensoleillé, maximum de 14 et ensoleillé aussi vendredi, maximum de 12 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, dégagement pour les prochaines heures. À minimum de 0. Jeudi s'annonce ensoleillé, maximum de 13 et aussi ensoleillé pour vendredi avec un maximum de 12 degrés. CFNJ. Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading, make it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. just to keep. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. De retour à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ avec vous partout dans la Naudière. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Nous sommes en plein cœur d'un spécial folk slash soft rock AM des années 70. Et ce qu'on vient d'entendre se qualifie pour la deuxième catégorie haut la main, Bread, un groupe qui va être une constante dans les palmarès des radios soft rock des années 70. On a entendu la chanson « Make it with you » de 1970 pile. Juste avant, c'était deux chansons québécoises d'artistes qui sont normalement chacun à un extrême du spectre en termes de style. Mais ce qui les réunit ici, c'est le folk. Chacune pièce très folk pour Plume la Traverse en 1975 avec « Anecdote » tirée de son album « Pomme de route » avec Stephen Faulkner. Alias Cassonade. Et la même année, Motel Mon Repos de Beau Dommage, c'était tiré de leur deuxième album, Mais où est passée la noce? Et on poursuit tout de suite avec un véritable pilier de la musique folk, un artiste qui va être le premier à être signé par la compagnie de disques Apple, fondée par les Beatles. Un gars qui a eu longtemps des gros problèmes d'héroïne, même si ça apparaît pas dans sa musique, juste pour dire qu'on n'a pas besoin de faire du gros rock pour tomber là-dedans. Mais comme je disais, sa musique en souffre jamais. Et j'aurais envie de vous dire de porter attention aux belles lignes de violoncelle qu'on va entendre en arrière-plan. Et tant qu'à y être, vous écouterez aussi le magnifique solo de violon de la pièce suivante. On écoute James Taylor, mais juste avant, une chanson que vous connaissez, en 1976 au 99.1 CFNJ. Bye bye nuages, welcome soleil. J'ai attendu toute la journée. Y'a du travail, c'est pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir, une pluie toute fraîche à nettoyer, de tout petit cœur à réchauffer, déjà sa plage à colorer. C'est rouge brûlé. Si en plus de tout ça tu veux bien sécher ma portion de Colombien, je te donnerai de quoi manger. Des larmes d'amoureux attristés. J'organise un pique-nique party. J'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi. Yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you fire in the rain now. not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. 'Cause when you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think. 'Cause I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. 'Cause I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy. Retour spécial folk de Mélomane au 99.1 CFNJ. Je pense qu'on vient d'entendre La petite obscurité de l'émission, une chanson qui avait pourtant gagné l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure chanson de film en 1976 pour le film Nashville. Et voyez-vous, on n'entend plus du tout cette chanson. C'était Keith Carradine avec I'm Easy, une chanson que plusieurs ont souvent attribuée par erreur à Jim Croce qu'on a entendu au début de l'émission. Keith Carradine, frère de David Carradine, qui a joué dans la populaire série télévisée des années 70, Kung Fu, ou encore, plus récemment, dans les deux Kill Bill de Quentin Tarantino, c'est lui qui fait Bill. Sinon, c'était précédé de Kansas, un groupe de rock à tendance progressive, mais qui ont surtout été connus pour Dust in the Wind en 1977, ou peut-être aussi Carry On My Wayward Son, avec son Dustin Nguyen avec un solo de violon légendaire qu'on fredonne autant clair de voix. Et maintenant, c'est un solo de flûte traversière que je veux vous faire écouter. Et le titre de la chanson, qui résume assez bien l'émission d'aujourd'hui, « Si doucement, si lentement », sur leur tout premier album en 74, « Harmonium » au 99.1 CFNJ. Le temps de me raconter s'il y avait du bon feu de ton côté. Je me souviens un peu d'une autre année. On était bien tous deux à tout se donner. Puis la peur m'est revenue. Tout le long d'une avenue, juste un peu plus loin encore, j'y arrive où je m'endors.

Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained by color, image going down, down, down, down. So serene like a balloon. Ooh. Ooh. Ooh. No, I never did give nothing to the tin man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me.

tiré de l'album Mon frère de la même année, qui nous a fait découvrir un jeune artiste engagé de 23 ans. Un bel exemple de ce qui se passait en France au même moment, le seul exemple français qu'on a dans notre spécial folk. Il y avait beaucoup de Québécois, dont Robert Charlebois, qui précédait Maxime Leforestier sur un texte de nul autre que le poète maudit Arthur Rimbaud. Chanson très planante qu'on entend moins souvent de Charlebois, mais qui a été quand même connue dans le temps. C'était tiré de son album Québec Love de 1969. Et juste après Harmonium en 1974, on a entendu le groupe America avec l'excellente Tin Man. Et le Tin Man, c'est qui? Eh bien, c'est l'homme de fer dans Le Magicien d'Oz, celui qui voulait un cœur. Donc, une chanson qui sert de cette histoire comme d'une métaphore. Très belle pièce avec un petit côté presque jazzé. Une belle ligne de basse qui rappelle ce qu'on pouvait entendre d'ailleurs sur le premier album d'Harmonium. America, qui vont être principalement connus pour leur gros succès A Horse With No Name, bien sûr. Et on ne peut pas faire un spécial folk sans parler de celui qui est responsable de l'avoir autant popularisé. Bob Dylan, à ses débuts en 62 sur les ondes du 99.1 CFNJ. Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.

Now the story's told that Adam jumped, but I'm thinking that he fell. Together we went traveling as we received the call. His destination, India, and I had none at all. But I still remember laughing with our backs against the wall. So free of fear, we never thought that one of us might fall. I sit before my only candle, but it's so little light to find my way. Now this story unfolds before my candle, which is shorter every hour as it reaches for the day. Well, I feel just like a candle. I guess I'll get there, but I wouldn't say for sure. When we parted, we were laughing still as our goodbyes were said. And I never heard from him again as each our lives we led, except for once in someone else's letter that I read, until I heard the sudden word that a friend of mine was dead. I sit before my only candle, like a pilgrim sits beside the way. Now this journey appears before my candle as a song that's growing fainter the harder I play. Till I fear before I end I'll fade away. But I guess I'll get there, I wouldn't say for sure. Though Adam was a friend, spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. It was red and the sky was gray, one that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake, the children of the sun begin to wake. Watch out. Straight. king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la la. Ride a white man in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Retour à Mélomanes à CFNJ 99.1 et 88.9 avec vous partout dans la Naudière. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre un groupe que vous vous attendiez peut-être pas à entendre dans un spécial folk, mais oui, c'était Led Zeppelin avec Going to California en 1971. Une chanson qui serait à propos de Johnny Mitchell, est-ce qu'on dit? Et oui, Robert Plant, le chanteur de Led Zepp, aurait eu le béguin pour Madame Mitchell, qu'on a entendu tantôt. Donc, raison de plus pour la faire jouer. Et oui, Led Zeppelin est très influencé par toute la vague folk américaine, mais aussi par le folk des îles britanniques, qui est très fort à ce moment-là. Un style qu'on n'a même pas effleuré, on n'a pas entendu d'extrait aujourd'hui. On aurait pu parler, par exemple, du Fairport Convention, entre autres. Mais c'est déjà tout pour le spécial folk, donc j'espère que vous avez apprécié les petits trésors qu'on a déterrés, même s'il s'agit d'une musique plus douce. J'espère pas trop vous avoir endormi. Et c'est pour ça qu'on se dirige vers autre chose dans le prochain bloc. Mais sinon, juste pour dire qu'est-ce que jouer, juste avant Led Zepp, on a entendu aussi Jackson Browne avec la très belle Song for a Dame de son premier album de 1972, et c'était précédé de l'anglais Murray Head avec Say It Ain't So de l'album du même nom en 1975. Maintenant, on prend une toute autre direction, plus variée pour le reste de l'émission. Ceux qui ont suivi jusqu'ici vont être récompensés. Mais pour pas trop que la transition soit brutale, on va commencer par une pièce pop, mais à saveur un peu folk, reprise en 69 par un jeune Harry Nilsson, un artiste, un excellent artiste dont on va assurément reparler à Mélomanes. Ce gars-là a fait plein de bonnes musiques, un ami de John Lennon, entre autres. Une chanson qui apparaissait dans le film Midnight Cowboy, mettant en vedette John Voight, le père d'Angelina Jolie, et Dustin Hoffman, qu'on connaît tous. Everybody's Talking au 99.1 CFNJ. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. It's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with ice. Light share, there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man, the old gentle stone. Turn me out in a wonder, baby. Stolen in the neon. Speaking secret alphabets, I light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Let me sleep on. Says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night. All night.

Mustang Sally sur les ondes de 99.1 et 88.9, CFNJ. Vous êtes en compagnie de Mathieu Lajoie, à Méloman jusqu'à minuit. Wilson Pickett en 1966, une chanson qui s'appelait originalement Mustang Mama, jusqu'à ce qu'une certaine Aretha Franklin suggère Sally. Le reste, c'est de l'histoire. Et juste avant, on a entendu Otis Redding avec sa version bien à lui des Rolling Stones en 65. I Can Get No Satisfaction, tiré de l'album légendaire Otis Blue, qu'il faut écouter au moins une fois dans sa vie. Imaginez quand même du front Otis Redding reprendre la plus grande chanson des Rolling Stones l'année où elle sort. Mais là, on parle d'Otis Redding, d'Aretha Franklin, de Wilson Pickett. Eh bien, c'est ma manière de vous annoncer un spécial Stax la semaine prochaine. On va être à des 1000 du spécial folk d'aujourd'hui. Ça va être plus soul et ça va groover pas mal plus. Stax, c'est une étiquette de disque du sud des États-Unis qui va être la principale concurrente de Motown pendant quelques années. Mais c'est un son très différent de Motown, ce qu'on va appeler le son de Memphis. Mais je m'arrête là. Manquez pas le spécial Stax la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce style qui déménage. Et sinon, juste avant, on avait entendu le groupe Smith à ne pas confondre avec l'excellent The Smiths des années 80, mais Smith tout court avec une composition de Burt Bacharach originalement chantée par les Shirelles et même par les Beatles sur leur premier album Please Please Me, la chanson Baby It's You en 69. Un groupe qui s'est fait connaître sur la trame sonore du film Easy Rider en 69 et qui s'est refait connaître il n'y a pas très longtemps en 2007 dans le film Death Proof de Quentin Tarantino avec Baby It's You justement. D'ailleurs, on va réentendre une chanson que Tarantino a mis dans le même film des Coasters cette fois-ci un peu plus tard à l'émission. Et avant Smith, évidemment, c'était Jim Morrison et les Doors, bien sûr, en 67, avec une chanson de leur tout premier album, la chanson Soul Kitchen. Et maintenant, sans aucune raison valable, on se transporte à la fin des années 70, où malheureusement, un fléau fait rage dans les bars et ailleurs. J'ai nommé la cocaïne, imaginez, une chanson essaie tant bien que mal de nous prévenir de ses méfaits. Eric Clapton au 99.1. CFNG. Down on qui bombe. Et 88.9 CFNJ. Méloman au 99.1 CFNJ dans tout la Naudière. Do It Again de Steely Dan en 1972, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et s'il y a des curieux parmi vous, vous irez voir sur Internet d'où le groupe prend son nom. J'en dis pas plus. Juste avant, on a entendu The Doobie Brothers avec Long Train Running, que plusieurs d'entre vous deviez déjà connaître, un très gros hit de 1973. Et c'était précédé d'une chanson qui faisait suite à Cocaine d'Eric Clapton, Les Eagles avec Life in the Fast Lane, qui est pas mal dans le même esprit, des chansons qui font état et qui dénoncent ces excès de cocaïne, beaucoup qui atteignaient vraiment un sommet dans les années fin 70 et 80. Et justement, c'est un secret pour personne que la drogue était très présente dans les milieux de la musique rock. Mais contrairement à la croyance populaire, ces chansons-là dénonçaient vraiment et n'en faisaient pas la promotion. Et oui, Life in the Fast Lane, qui était aussi la face B du 45 tours d'Hotel California, du moins au Canada, parce que c'est pas ça qu'on me disait sur Internet, mais je me rappelle très bien du 45 tours en question quand j'étais plus jeune, et c'était bien la face B d'Hotel California. Tout ça pour dire que c'est une chanson qui a quand même beaucoup voyagé grâce à sa compagnonne, parce qu'on s'entend qu'Hotel California, ça a marché un peu. On recule un peu maintenant, l'année où mon père est né, 1956, avec de deux choses l'une. Une autre chanson qui a joué dans le film Death Proof de Tarantino, dont on a parlé plus tôt. Et la semaine dernière, on a parlé à quelques reprises de cette équipe de compositeurs hyper prolifiques qui était Lieber and Stoller, qui ont écrit des grands hits Stand By Me et plein de hits pour Elvis, entre autres. Eh bien, c'est encore eux qui ont écrit cette magnifique chanson des Coasters, dont on a parlé aussi, le groupe Les Coasters, Down in Mexico au 99.1 CFNJ. Yeah. là. Tequila du groupe The Champs en 1958, c'est ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes toujours à Mélomanes au 99.1 CFNJ. The Champs, qui se trouve à être le groupe duquel on fait partie notre premier duo de la soirée du spécial folk Seals and Crofts, une chanson qui est basée sur le mambo cubain. Juste avant, on a entendu deux pièces de musique surf, ce qui m'amène à vous annoncer le deuxième spécial la semaine prochaine, la musique instrumentale surf des années 60. Donc, la musique de Stax et la surf music la semaine prochaine. Manquez pas ça, un surf and turf. Et dans notre petit avant-goût, on a entendu les Shadows, un groupe anglais avec Man of Mystery, une excellente pièce de 1963. Et un des premiers architectes du genre, la vraie musique surf de Californie, Dick Dale et les Dale Tones avec Let's Go Trippin' de 1961. On approche tranquillement la fin de l'émission, donc on retourne en musique avec un groupe féminin des années 60. On en a parlé un peu, un style qu'on a exploré un peu la semaine passée, de Shangri-Las, qui font partie de cette vague, mais qui sont un peu à part, un peu plus mélodramatiques, et c'est comme un peu les Bad Girls du girl group sound. 1964, la chanson Remember Walking in the Sand sur les ondes de CFNJ 99.1. Falling in love with you was easy for me. not about love. Basically, it's as easy as pie. The hard part is living without love. Without your love, baby, I would die. One, two, three. One, two, three. It's easy. Taking candy from a baby. Hey, one and one or two. I know you love me, and oh, oh, how I love you. Don't try to fight it, 'cause it's easy. Like taking candy from a baby. Everybody's gonna jump for joy. Come on. All the pigeons gonna run to him. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Let me do what I wanna do. I can't decide them all. Someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on. Est-ce qu'il te faut une raison lorsque je te prends? Quand tu es dans mes bras, je me sens si t'as besoin d'affection, pourquoi chercher plus loin? Je t'aime bien, tu sais. Je t'aime bien, tu sais. Je ne te pose aucune question lorsque tu me. Si jamais non, tu le sais bien. Si t'as besoin d'affection, pourquoi chercher plus loin? Je t'aime bien, tu sais. Je t'aime bien, tu sais. Si bien, si bien, je ne peux résister. Tout près, jamais on ne devra plus se quitter. Retour à Mélomanes au 99.1 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre Len Barry avec la chanson 1, 2, 3 de 1965, suivi de l'excellent groupe anglais Manfred Mann en 1968, avec une reprise de Bob Dylan, la chanson Mighty Quinn ou Quinn l'Esquimau, une chanson qui vient d'un album obscur que Bob Dylan a fait avec le groupe The Band, les fameux Basement Tapes qui sont sortis officiellement quelques 10 ans plus tard seulement. Donc c'est Manfred Mann qui en a fait la première version connue ironiquement. Et juste après ce qu'on vient tout juste d'entendre, Bruce Huard et les Sultans en 1966 avec Je t'aime bien, une reprise francophone du groupe anglais The Zombies et leur chanson You Make Me Feel Good. D'ailleurs, en parlant de groupe anglais du temps des Beatles, je vous invite à aller lire ma chronique musicale dans le journal L'Action en ligne sous l'onglet Culture. La plus récente est un top 10 des groupes contemporains aux Beatles. Cette semaine, les numéros 9 et 10, et on va dévoiler au fil des semaines comme ça les autres positions. Donc, si ça vous tente, juste à taper Mathieu Lajoie L'Action dans Google et ça devrait le faire. Un autre groupe anglais, très, très anglais même, vous écouterez leur accent, les Small Faces au 99.1 CFNJ. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Got to get back to my baby again. Dear semester, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. But I told you so. Don't mind my preaching to you. I said don't trust him, baby. Now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty face. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who taught you how it feels to be lonely. Oh, so lonely. Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. Can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of nerve. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed it to go. You kept on bragging he was yours instead. Now you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Before I go, I'd like to say one thing. Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that being just another girl won't cause you misery. Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all. You wind up by the way he sits on the shelf. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who thought you had me to be. Lonely, oh so lonely. Yeah. Lonely, oh so lonely. Toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ jusqu'à minuit qui approche à grands pas. On vient tout juste d'entendre de Beau Brummels en 1964 avec la chanson Laugh Laugh, premier succès d'un groupe américain de San Francisco, très influencé par toute la fameuse invasion britannique des années 60. Quand même un succès respectable pour les Beau Brummels qui sont même apparus dans un épisode des Pierres à feu en 1965, Consécration. Imaginez, tout un honneur, c'est comparable à passer dans un épisode des Simpsons aujourd'hui et donc à se faire introniser au sein de la culture pop. Et c'était précédé d'un autre groupe américain de Memphis, cette fois-ci The Box Tops en 1967 avec leur plus gros succès. The Letter, une chanson qui va être reprise par plusieurs, dont Joe Cocker, et même en français par Herbert Léonard sous le titre Une lettre la même année. Et malheureusement, c'est déjà terminé. Voyez-vous, j'avais autre chose à vous faire jouer, mais bon, comme d'habitude, le temps court, comme d'habitude. Donc écoutez, manquez pas la semaine prochaine, c'est ça qui est le plus important, le spécial Surf and Turf, la musique de Stax et la musique surf des années 60 californiennes. Donc mercredi prochain, même heure, même poste, dès 21h, soyez des nôtres et je vous laisse là-dessus. Bonne nuit à vous.